L'actualité à Nancy et ailleurs. 34e édition de la fête du Potimarron, c'est à Lunéville, dans la cour des communs du château. Maxime Muriot, bonjour. Bonjour. Alors ce rendez-vous, il est toujours organisé par la société d'horticulture de Lunéville. Comment ça se présente cette année ? Ça se présente bien. Bon, on espère avoir le beau temps. Mais sinon, la récolte a été bonne cette année. On a eu pas mal de pluie, donc c'était pas mal. Et puis, on est en train de mettre la dernière ligne droite, mettre tout en place pour la fête. Alors, on parle de potimarron, mais c'est vraiment la fête de tous les cucurbitacées qui existent, parce que là, il y en a vraiment de toutes les formes, de toutes les couleurs. Oui, c'est ça. On en plante à peu près 80 variétés entre les calebasses, donc non comestibles, et les courges, entre guillemets. Donc, on va avoir bien sûr le potimarron. Après, on a tout ce qui est courge pour faire la soupe, qui est excellent. C'est les musquets de Provence, les vifs des Tempes, ces choses-là. Les variétés blanches, les variétés bleues, les variétés roses. Et après, plein d'autres trucs comme la courge spaghetti, le pâti d'ouf. Vraiment un grand panel de choix. On en découvre à chaque fois. Oh oui, je pense. Même nous, qui les plantons, on en redécouvre toujours, puis on en remet toujours des nouvelles pour faire découvrir aux gens. Et puis, de toute façon, tous ceux qui sont sur le stand de la vente pourront conseiller les gens avec grand plaisir. Alors, ce sera sur deux jours, les 28 et 29 septembre, donc dans la cour des communs du château de Lunéville. Alors, sur place, il y a plein d'exposants, il y a plein de propositions culinaires pour goûter un peu, comme vous le disiez, les différentes méthodes pour manger ces légumes. Oui, alors nous, sur le stand de vente, on aura des recettes, comme chaque année pour ceux qui connaissent. Donc, des recettes que nous, on a préparées, qu'on a testées. Après, faut pas hésiter à partager avec nous, parce que il y a tellement de façons de les cuisiner, en sucré ou en salé. On a toujours bien sûr le pain au potimarron, les brioches, les choses du genre, le stand de confiture. On aura aussi de la décoration sur calebasse qui peut être super sympa. Puis après, pour les autres stands, il y aura pépiniériste, les bonbons de plein fin, l'atelier bouillasse, les associations, les épis, les croqueurs de pommes, jardino. Enfin, vraiment, il y aura de quoi faire pour tout le monde, pour tous les âges, pour tout public. Est-ce que vous l'avez dit, on peut aussi décorer. Il y en a certaines qui ne se mangent pas. Vous avez cité les calebasses, mais ça peut faire des objets de décoration et une animation avec des enfants aussi. Ah, bien sûr. Traditionnellement, que les courges creusées pour Halloween, les choses du genre, qui est super sympa. Oui. On peut aussi les graver, les courges, quand elles poussent. Et à force, elles vont faire une cicatrice. Et puis, c'est très joli pour présenter. Mais il y a aussi de la décoration sur toutes les courges qui ne se mangent pas. Donc, on les fait sécher, donc c'est une technique spéciale. Et après, on les décore, on les peint, on fait... notre atelier décoration, ceux qui préparent les courges sont très, très forts. Il y a vraiment un choix qui est super sympa. Pour les enfants, donc on a des thèmes, les dessins animés, les animaux, des choses assez rigolotes. Et puis, c'est pareil, si les gens veulent... nous faire découvrir leurs œuvres, c'est avec grand plaisir aussi. Donc rendez-vous les 28 et 29 septembre, en plus dans le cadre de la cour des communs du château de Lunéville, c'est quand même plutôt sympathique aussi. Il ne manquera qu'un peu de soleil, j'imagine. On espère qu'il y ait du soleil et du beau temps pour que les gens puissent profiter, surtout qu'il y a la buvette et la restauration. Donc c'est le moment de passer une petite journée en famille sympathique et conviviale. Et de venir à votre rencontre pour en savoir aussi un peu plus sur la société d'horticulture de Lunéville. Bien sûr, on a le stand de la société d'horticulture pour ceux qui voudraient apprendre à connaître, devenir bénévole, voir comment ça se passe, voir comment on cultive, ce qu'on fait au cours de l'année. Donc ça, pareil, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, voir l'association, ce qu'on dit société d'horticulture, mais ça reste une association. Donc rendez-vous les 28 et 29 septembre et à très bientôt, Maxime. Merci, bonne journée à vous, Fadiette. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.